Janela Amarela. A simples busca dos sentidos. Rádio Blog em janelaamarela.blogspot.com. Está aberta mais uma janela amarela. Girl, you wouldn't leave. Il n'a jamais pensé à ça. Tu finis du reste, pas là où il a fini, tu finis dans le lac. Look, it's a body floating into the land. No, it's a body swimming out into the water. No, it's the land itself here that's a body. A body of land. It's the water itself that's a body of water. Pour faire le mineur ou le majeur, passer sous l'eau, revenir. Et que donc il faut qu'ils décident d'emblée s'ils vont être dans l'expression ou dans le bras de fer avec ce qui resterait de système. Il n'y a plus de système. Et en même temps, est-ce qu'on peut décrire bien un paysage si on ne parcourt pas vient de haut en bas de la terre jusqu'au ciel, puis le ciel jusqu'à la terre. Allez. Thank you. Rádio Blog em janelaamarela.blogspot.com. Thank you. Janela Amarela. Fim.